facile, il n'y en a jamais eu, c'est vrai. Des fois c'est tough, trop rough pour un ticus dans ce temps-là. Que je me dis que c'est pas si pire que ça. On vit pas dans des bidons avec une bombe pour faller des gauchettes dans ce cas-là. C'est pas mal dans le pays, sûrement tu perds le coup de rêve. Tu peux plus t'en saisir, fait que je suis content de ma vie. Je suis content d'être ce que je suis. Ici c'est pas si mal, je poursuis la vie d'après mort ici. Dans les moments rock'n'roll, je me saoule, je me sauve. Faisant du nouveau shit, faut que ça roule, que je m'épaule. Même si des fois les rimes sont pauvres, je continue, faut que j'innove. Ma musique est mon abri, c'est juste moi qui les rélove. Ça prend du gosse de dire que oui, la vie en vaut la peine. Oui, fais bon vie, fait que tu doutes la vie que tu l'aimes. Puis quand tu sèmes la grande la peine, tu l'aimes, te donne des sangs de chienne. T'en as les poches pleines, la récolte d'une fois aux veines. T'accèmes les scènes nouvelles, c'est ce qui te donne des ailes. Fait pas comme d'autres, faire la faute d'être polichinelle. Compris dans les ficelles, la vie est belle, c'est facile. La vie est sûre et celle qui pense que la vie est full fragile. Ben, vous avez pas tant d'empêche, qui est quand même pas noir. Faut que tu sortes dehors, c'est vraiment pas le moment d'être mort. Pour la plupart, on part à peine, histoire des fois, ça peut faire peur. Tout le monde passe par là, fait qu'arrête de checker l'heure. C'est pas si pire que ça, fait qu'arrête d'écœurer le peuple. Tu vas rester dans ta bulle, malheureux et rester seul. Relax, que des fois que je vois qu'il m'efface. Mais ça like, faut pas que je m'en fasse. Garde le sourire dans ma face. L'herbeille t'a pas sa place. Donc je reçois des claques d'en face. Mais ça like, faut pas que je m'en fasse. J'irai des menaces puis prends ma place. C'est tellement pas facile de monter sur un échelon. C'est tellement trop facile de se retrouver face au béton. C'est bien dit ton second, dans le fond, c'est pareil pour tout le monde. Ah oui, fonce mon homme, sinon tu vas rester dans le fond. Ta cœur lève les pierres et les drainer. Comme si c'était lourd, ça me rend sourd. Mais au moins je demande pas secours. Oh non, je m'arrange avec mes troubles. It's too easy to fumble. So I keep my soul, no way, I whistled it, no way, swore rental, I keep my life tight, I am my own model. Y'en aura pas de facile. Y'en a jamais eu, c'est vrai. Des fois c'est tough, trop rough pour un ticus dans ce temps-là. Que je me dis que c'est pas si pire que ça. On vit pas dans des bidons avec une bombe pour faller des gauchettes dans ce cas-là. C'est pas mal dans le pays, sûrement tu perds le coup de rêve. Tu peux plus t'en saisir. Fait que je suis content de ma vie, puis je suis content d'être ce que je suis. Ici c'est pas si mal, je poursuis la vie d'après mort ici. Dans les moments rock'n'roll, je me saoule, je me sauve. Faisant du nouveau shit, faut que ça roule, que je m'épaule. Même si des fois les rimes sont pauvres, je continue, faut que j'innove. Ma musique est mon abri, c'est juste moi qui les rélove. Ça prend du gosse de dire que oui, la vie en vaut la peine. Oui, fais bon vie, fait que tu toques la vie que tu l'aimes. Puis quand tu sèmes la grande la peine, tu l'aimes, te donne des sangs de chienne. T'en as les poches pleines, la récolte d'une fois aux veines. Fait que sème les scènes nouvelles, c'est ce qui te donne des ailes. Fait pas comme d'autres, faire la faute d'être polichinelle. Compris dans les ficelles, la vie est belle, c'est facile. La vie est sûre et celle qui pense que la vie est full fragile. Ben, vous avez pas tant d'empêche, qu'est quand même pas noir. Faut que tu sortes dehors, c'est vraiment pas le moment d'être mort. Pour la plupart, on part à peine, histoire des fois, ça peut faire peur. Tout le monde passe par là, fait qu'arrête de checker l'heure. C'est pas si pire que ça, fait qu'arrête d'écœurer le peuple. Tu vas rester dans ta bulle, malheureux et rester seul.